Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, le comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a organisé à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie, le 15 au boulevard des universités à Séoul, le rassemblement national du 15 août pour la paix et la réunification indépendante dans la péninsule coréenne. On y a lu l'appel du comité commun national pour l'application de la déclaration commune du 15 juin. Toujours à la même occasion, la direction d'Ansan du comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a tenu le même jour une conférence de presse pour condamner la disposition du SAD. Par ailleurs, l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié le 14 courant un commentaire contre la disposition du SAD des États-Unis en Corée du Sud.